De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Ça m'avait pas manqué ce jingle. Moi non plus, je t'avoue. Ah, bienvenue, oui, ah oui, c'est vrai, c'est les modes automatiques, pardon, excusez-moi. Voilà, je découvre le monde de la radio. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est quoi, c'est un jingle? De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. Ah, il me semblait bien. Bon bah voilà, on est bon, on peut démarrer. J'espère que tout va bien de l'autre côté de la radio. 20h02, on démarre de plus en plus tard cette émission. Mais tant mieux, on fait durer le plaisir de la mixtape juste avant, et c'est oui, tout aussi bien. Une grosse émission ce soir, je m'appelle Jadoul, autour de cette table Kix, comment ça va? Eh ben écoute, très très bien, une journée très dure par contre, hein. Mais ouais, on en parlera tout à l'heure. Comme d'habitude. Comme d'habitude, bah, tu me connais maintenant. Je sais pas comment cette personne fait pour systématiquement avoir des problèmes colossaux. Ah oui, je suis obligé de me compliquer la vie, vraiment. Hein, un simple Namur-Bruxelles, ça devient toujours une épopée. Moi c'est Koh-Lanta. Un truc de Pékin fou. Express. Ah ben félicitations, on en merci parlera bien. D'ici quelques instants. Une grosse émission ce soir, on va avoir la minute tactile, on va vous parler d'un moyen d'économiser 1300 euros par an. Ah ouais, en période compliquée avec le pouvoir d'achat, c'est super important. On va aussi vous parler de l'amour et le cassoulet. Oh. Improbable, mais on va en parler. Vous ne connaissez pas le ASMR? Ah, moi je connais par contre, mais ah, on garde la surprise. Voilà, on va découvrir ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. C'est une émission connectée, bien entendu. Quel est le sujet du jour, Kix? Alors aujourd'hui, c'est votre appli indispensable. C'est alors, le sujet, le thème. En gros, on va faire un peu le tour chez nos auditeurs. De quelle est l'application dont ils ne peuvent pas se passer au quotidien. C'est ça. Ah, j'ai pas phrasé. Donc on fait comment pour nous joindre? Alors c'est très simple, vous appelez sur WhatsApp au 02 315. Oui, pas. Enfin vous envoyez un message plutôt au 02 315 10 15. Et comment message doit être vocal, le message? Bien sûr, un message vocal. Et on écoutera ça d'ici quelques instants. Quelle est votre application indispensable? 02 315 10 15. Donc toi, une journée compliquée? Très très compliquée, beaucoup trop. C'est toujours mieux que la journaliste scientifique Brigitte Milot de CNews. C'est une chaîne d'infos en continu en France. Okay. Alors CNews, évidemment, vous avez compris, c'est notre deuxième passion après tournoi de lancer de tarte. Hein. Donc comme chaque matin, vers 8h, elle fait sa chronique. Écoutons celle d'hier. Bonjour docteur Milot. Bonjour. On va parler aujourd'hui de la cocaïne. Ah, ça nous intéresse. Ça commence bien. Mais en 2022, est-ce que ça parle encore à quelqu'un, la cocaïne? Maintenant, c'est partout. Ça va de l'étudiant au noctambule, en passant par le travailleur épuisé. On a même des patrons dans les after-work qui en proposent à leurs employés. Ah, ah oui, carrément. Nous, tout ce qu'on nous propose ici, c'est du café. Donc, je sais pas, on n'a peut-être pas les mêmes patrons. En attendant, on la trouve où, si c'est pas nos patrons qui la fournissent, cette cocaïne? On a des call centers partout, c'est très facile de s'en procurer. Ah, ok, ah, carrément de la pub en fait. Oui, donc c'est-à-dire on fait sympa. Quoi? On va en pharmacie, on va chez Ikea. Oh, bah vous téléphonez, vous pouvez vous faire livrer de la cocaïne. Ah oui. On devrait pas le dire. Hein. Ah. Ouais, c'est un petit malaise, non? Pas dire ça. Ça fait un petit malaise quand même, non? C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Je confirme, c'est un stupéfiant illégal. Bon, heureusement qu'elle a pas affiché un numéro en bas de l'écran. Hein. Vous pouvez appeler, évidemment. Au 02. Ouais, voilà. C'est ça, 02 315 10 15. Bon, je vous rappelle que c'est une scientifique, donc sortons la blouse blanche pour comprendre le produit. La dopamine, c'est plutôt le transmetteur, normalement, du plaisir, du désir, de l'euphorie. Alors, quand on voit ça, on peut se dire, bah, finalement, c'est sympa, votre truc. Ça donne envie, tout ça. Oui, ça aurait été malhonnête de couper à ce moment-là. C'est pour ça qu'on va aller plus loin dans l'extrait. Oh là, allons là, un là, petit là, peu plus loin, j'ai parce que là, on se dit, non, on hallucine. C'est sympa, votre truc. Ça donne envie, tout ça. Pas du tout, c'est sympa à petite dose. Ah, oh, mais si c'est sympa à petite dose, ben c'est bon. Mais non, mais c'est pas possible. CNews numéro 1 sur l'info. Et ils sont revenus là-dessus ce matin, oui, à 8h. Ça a été relayé, en fait, hier soir chez Quotidien. Ils ont aussi traité l'information, mais alors, de la même manière que nous, très simple, sans montage au final. Voici leur réaction ce matin. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont détourner un peu votre message hier. Comment vous avez dit? Un peu? C'est d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable, une manipulation. Ah oui, manipuler carrément. Ok, je consomme, mais bon, quand même. Oui, voilà. Vous avez parlé de la cocaïne hier, et vous avez dit, vous avez une. C'est ça, ils ont pris un extrait. Oui. En disant que le médecin de CNews vantait les qualités de la cocaïne à petite dose, à aucun moment je n'ai dit une chose pareille. Évidemment. C'est sympa votre truc, ça donne envie tout ça. Ouais. Pas du tout, c'est sympa à petite dose. À aucun moment je n'ai dit une chose pareille. Et ouais, ça c'est vrai. Ils ont l'air vraiment très sincères en fait. Hein. Comment on peut passer ça s'entend de... dans la voix. On peut passer de ça. C'est sympa votre truc, ça donne envie tout ça. Pas du tout. C'est sympa à petite dose. Ah. À aucun moment, je n'ai dit une chose pareille. Évidemment. Et oui, on rappelle évidemment que la cocaïne, c'est une substance illégale. 22h, c'est la trappe sur KIF. À aucun moment. À aucun moment, je n'ai dit une chose pareille. Évidemment. Ouais, évidemment. KIF ce soir, merci de vous être branchés. C'est la trappe que vous écoutez en direct jusqu'à 22h. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KIF. C'est ça le texte que je dois dire ? Il faut me le dire, hein, je te le fais bien. Hein. On verra ça peut-être la semaine prochaine. Hein. On va peut-être y arriver à faire des beaux jingles. Ah oui, il y aura des nouveaux ? Bah, ça, c'est toujours notre habillage provisoire. Hein. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que ça, ça a été produit, comme on dit dans le métier, à la pisse. Ouais. Bah, moi, j'aimais bien. Vraiment, j'aimais bien. Ouais, hein. On aime bien, mais. Ça restera dans les annales de KIF, mais. Je pense qu'il y a des boss d'autres radios qui écoutent et qui découpent l'enregistrement de l'émission en faisant. Alors, ça, c'est ce que vous ne devez pas faire. Hein. Dans quelques instants, on va vous parler de l'amour et le cassoulet. Oui, il y a un lien entre ces deux choses-là. On va faire le top 3 des pires et des meilleures phrases d'approche sur les applis de rencontre. On vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est votre appli indispensable. Peut-être que les applis de rencontre en font partie. Et donc, justement, top 3 des meilleures et des pires phrases pour démarrer la conversation sur les applis de rencontre. Est-ce que tu connais la ASMR, Kix ? Bah, je connais, oui. Enfin, je m'amuse pas à écouter ça, mais parce que je crois que je pète un plomb après 2 secondes. Alors, si on doit décrire la ASMR, c'est quoi en fait ? En vrai, c'est des bruits de bouche, des bruits. En fait, ça peut être des bruits un petit peu de tout et n'importe quoi. Ça peut être du matériel, des gadgets, des matières particulières. C'est ça, mais il faut toujours parler en chuchotant. Ouais, c'est important. Vous endormez pas au volant. Chaque jour sur YouTube, il y a une nouvelle chaîne d'ASMR qui fait son apparition. Et bien entendu, dans quelques années, je sais pas, des grands YouTubeurs diront « Moi, j'ai débuté en faisant de l'ASMR dans les années 2020 sur YouTube. Ça va être fou. » Alors, on va faire aujourd'hui la connaissance d'un petit couple. Sard et Roro. Coucou, c'est Sard. Et Roro. Ouh, déjà, là on sent qu'on va passer une chouette séquence. Ça envoie du lourd là. On commence. Alors, bien. Toutes leurs vidéos sont en chuchot, hein. Oui, c'est le principe. Donc là, c'est là, juste l'introduction. Donc si ça vous détend, tant mieux. Oui, là ça nous détend. Ça te stresse pas toi personnellement ? Tu sais très bien que moi, ça me tend. Ah, moi, ça me stresse. Ah oui, toi aussi, on est d'accord. Bah. Ça me détend pas, ça me tend. Ah, alors imaginez parce qu'une chaîne d'ASMR a besoin de vivre aussi, comme toutes les autres chaînes YouTube, s'il faisait un featuring avec le célèbre Jimmy Labeu. Les belges, oh là là. En plus. Imagine. Sard et Roro, featuring Jimmy Labeu. Ce qu'on va essayer de faire, ça va être quand même un truc optimisé pour vous endormir, dans le sens où, comme on est deux, c'est cool. Et je pense que ça va être très très bien. Je pense aussi. Donc, si vous avez des envies particulières. Et vous là, tout ce que vous avez, arrêtez de gueuler ! On n'entend rien ici ! Le contraste est un petit peu délicat entre les deux personnes. D'ailleurs, Jimmy Labeu, il décrit très bien ce que vivent les gens qui font de l'ASMR dans la rue quand on les croise. Parce que l'autre fois, j'étais dans la rue, je marchais tranquille. Et là, il y a un mec de loin qui me dit : Ah, mais t'es le couillon qui gueule tout le temps ! Va te foutre ! Ça c'est dit. Sympa. Sinon, on peut retrouver quoi d'autre en fait sur une chaîne d'ASMR comme celle de Sard et Roro. J'ai toujours envie de dire ça, mais c'est Sard et Roro. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi les abréviations réelles des prénoms, mais je préfère pas savoir. Alors, il y a quoi d'autre sur la chaîne ? Et ouais, il y a une vidéo du coup qui est sortie aussi pour apprendre l'alphabet coréen en ASMR. C'est super sympa. Qu'est-ce qu'il y a ? Hey, arrête ! Y'a un problème ! Ah oui, j'avais oublié qu'on faisait un featuring entre les deux chaînes. J'avais zappé. J'ai déjà peur pour les voisins, moi. Franchement. Ouais. Aujourd'hui, bon, c'est pas la ASMR qui arrivera à me séduire. Hein. Alors que les gens qui gueulent, franchement, moi, ça me plaira toujours. Parce que gueuler, c'est gueuler, hein ! Ce soir, en direct de leur QG souterrain, Jadoul et son équipe dans la trappe. 20h-22h sur KIF. Non, ça fait trop sérieux, Lydia, ça va pas. On peut pas rajouter un peu des cotillons, des confettis, des dames qui dansent. Peut-être pas. En tout cas, on peut rajouter de la soule. C'est bien aussi, ça. Un bon classique. J'adore. Dans un instant, Gazo, Beyoncé. Ah, le programme est 5 étoiles. KIF, vous restez branchés. Chante bien. 20h14. Tu tiens bien le... Ah, je sais. Et t'as pas la danse qui va avec. On est bien ce soir. Merci de nous avoir choisi KIF pour vous faire passer une douce et belle soirée. 22h, c'est la trappe sur KIF. Dites les gars, moi je sais pas faire ça, des voix off. J'ai juste imité le rire de François Damiens, ça à la limite. Tu sais, fais bien. Et là, vous vous branchez, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de dégénérés? Vous inquiétez pas, ça va aller de pire en pire jusqu'à 22h. Ah oui, notre cas s'aggrave. Non, mais jusqu'à 22h. Ce qui est bien, c'est que c'est du direct. Ah oui, donc, heureusement, comme ça, on peut dire encore plus de conneries. Rien ne peut nous arrêter, sauf si les boss débranchent les metteurs. Là, à part ça, franchement, on va pas se gêner. Et alors, d'autant plus que dans un instant, on va avoir l'interview Combini. Je sais que vous adorez cette séquence. C'est en fait une interview de Combini. On garde juste les réponses des gens, mais on fait des questions qui n'ont vraiment rien à voir avec le vrai sujet. C'est ça, exactement. Ça va être très bien. Il s'est encore passé plein de choses dans l'actualité, qu'elles soient connectées ou pas. D'ailleurs, des fois, on élargit un peu. Vous allez adorer. Et le Blanklet, comme d'habitude, en fin d'émission, les pires covers de TikTok. Et ça pique aux oreilles. C'est ça, on va essayer de deviner c'est quoi les vrais titres qu'il y a derrière ces chansons, si on peut appeler ça des chansons. Voici le top 3, les pires et les meilleures phrases d'accroche et d'approche sur les applis de rencontre. Alors, dans un talk sur Twitch, il y a des développeurs qui ont créé un bot, c'est-à-dire un robot, qui a matché 10 522 profils. Rien que ça. Quand même. Sur une appli de rencontre, et le taux de réponse, au total, dis-toi que sur 10 522 personnes, le taux de réponse est de 10%. Ah ouais. Bon, alors il faut savoir que le bot il faisait pas de critères, hein, il matchait tout le monde. Okay. Donc ça veut dire que le tri se faisait quelque part de l'autre côté, les gens qui matchaient ou pas. Donc avec une photo d'un mec plutôt banal, classique, les filles n'ont matché que 10% du temps. Bon, voici le top 3 des meilleures phrases pour approcher une meuf. Ouvre n'importe quel livre à la page 53 et envoie-moi la première phrase. C'est ta phrase, ça, c'est ça? Non, mais j'y ai jamais pensé, mais c'est marrant parce que c'est bien, c'est interactif et tout. Bon, faut que la fille soit un minimum cultivée parce qu'il faut un bouquin. Ça, c'est le premier problème. En numéro 2, on a pour briser la glace. J'ai plusieurs possibilités et je te laisse le choix. A, ma meilleure disquette. B, un fait random. C, une dead joke. Si je te demande une dead joke, là, t'en as un? T'en as une comme ça? J'en ai pas du tout. Ouais, bah ouais. C'est là, il vous fait être fort, tu vois. Oui, c'est ça. Et en numéro 1, des meilleures phrases d'approche, celle qui a vraiment le plus cartonné sur, bah, au final, 1000 femmes, c'est « Tu sais ce qu'il y a d'intéressant avec ta photo de profil ?» C'est fort, hein? Parce que là, c'est ouvert, c'est une question, t'as envie de savoir ce qu'on pense de ta photo de profil, ça marche. J'avoue, là, même moi, je me suis posé la question, là. J'ai vraiment cru, là, que j'étais dedans, je me suis dit « Ah non, ouais, j'étais à fond dans l'ambiance, là. » Et on apprend que toutes ces filles ont répondu simplement très drôle. Mais on n'a pas la réponse des filles. Hein. Je vous demande quand même ce que ça doit être. Et il paraît que l'algorithme a classé pour faire évidemment ce top 3 les réponses en fonction du mood de la réponse. Donc ça veut dire qu'il y a un algorithme qui est assez intelligent que pour se dire tiens, relou, ça veut dire un truc de négatif, donc ça va dans les pires phrases. Et donc c'est vraiment intelligent au final comme système. Ah ouais, non, mais ils se sont bien cassés la tête. Dans le top 3 des pires phrases, en numéro 3, on a salut, ça va? Ah bah c'est le pire. Truc basique. Ah ça c'est le pire. Et derrière ça tu dois faire toute la conversation toi-même, y'a rien de plus relou. Et le petit TFK pour le tu fais quoi? Moi ça? Sincèrement ça je le dis mais je le fais. Je le bloquais. Vraiment? Ah ouais, la personne là je la bloquais. Mais la pauvre personne, ça se trouve elle était peut-être super intéressante et... Non mais le compte qui t'écrit TFK c'est oui, ça va. J'avoue toi quand on voit pas de DSK ça va Déjà toi quand tu m'écris PRK j'ai envie de t'emplafonner mon téléphone alors... Donc ça c'était en numéro 3, salut ça va. En numéro 2 on a tu connais les poids d'un ours? D'un ours polaire? Je m'attendais même pas à cette phrase. Attends, je vais te la relire. En numéro 2 on a tu connais le poids d'un ours polaire? Assez que pour briser la glace entre nous. Ouais, ok, bon, ça te dérange si je quitte Je pense que c'est une grosse disquette ça. Mais j'avoue que c'est... Et en numéro 1 des pires phrases, on a quelle est la dernière chanson que tu as écoutée? Bah l'air de rien, c'est pas la pire au final. Moi je trouve que... Ça dépend, bah, je sais pas, moi je vois c'est pas dans quelles circonstances dire ça en fait. Non, c'est intrusif. C'est quoi ta meilleure musique? Ça, bon bah... Et donc tu dois te dévoiler. Ouais, c'est compliqué. Ouais, si la personne le prend mal, bon après c'est recherché aussi, enfin c'est un peu se compliquer la vie aussi si on se prend la tête pour ça. Dis-toi que c'est la première phrase, donc t'as même pas un bonjour, t'as rien, c'est vraiment le premier message que t'envoies à la personne. J'avoue que c'est un peu plus chaud. Ça fait un peu pervers, enfin un peu très bizarre. Et vous, quelle est votre phrase d'approche? Moi je sais même pas ce que j'écrivais. Je pense que dans ma bio j'avais mis... Tu es du cul? J'avais écrit... Si ta maison prend feu, qu'est-ce que tu sauves? À part moi. Et là, elle t'a répondu, surtout pas toi. Non, je sais même plus ce qu'on me répondait à ça. C'est peut-être pour ça que je suis resté célibataire un très long moment. C'est peut-être ça l'explication. 20h22, c'est la trappe sur KIF. Voici Arca sur KIF, on revient juste après ça. le cachet des armes. Kobalade sera notre invité dans quelques instants. Il sera dans le FaceTime de Kix. Et oui. J'espère que ça va être intéressant cette semaine. J'espère aussi, tiens, j'espère. C'était sur l'échec de la semaine dernière. Ouais, ça va. Ça a été quand même. Ça va. Dans les écoles de radio, ils font mieux. Mais non. D'ailleurs, il faut qu'on parle de ton aventure. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Figure-toi que tu es dans tout mon entourage la seule personne qui a littéralement des grosses difficultés avec les transports en commun. J'avoue. Pas parce que c'est compliqué, juste parce que le destin s'acharne contre toi. Oui. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que t'as fait. Bon, en fait, c'est très simple. En fait, j'ai loupé le premier train. On rappelle que tu fais un trajet assez basique, Namur, Bruxelles. Oh, bah, basique, ça dépend pour qui, hein. Donc déjà, vous avez compris, il est un peu stressé de base. Voilà, sur le trajet. Les transports, c'est pas trop mon délire. Mais enfin bref. Et donc du coup, je devais prendre un train. Sauf que je l'ai loupé vraiment d'une minute ou deux, je sais pas. Donc déjà, tu n'améliores pas ton sort. Ah non, pas du tout. Et donc, j'avais pas le choix, je devais prendre le suivant. Le problème, c'est que le suivant avait 15 minutes de retard. Olé ! C'est génial, ça, quand tu sais que tu dois venir à la radio et qu'au final, bah voilà, t'as du retard. Donc voilà, ça, j'ai dû trouver une nouvelle solution. Donc je prends le suivant qui avait du retard, peu importe. Et le problème, c'est que toutes les correspondances, bah du coup, étaient décalées. Donc j'ai pas su prendre les bus, j'ai pas su prendre d'autres transports. Donc j'ai complètement tout loupé et j'ai dû me débrouiller autrement. J'ai fini dans des bus, enfin bref, je me suis retrouvé dans Bruxelles et le guide du routard, quoi, vraiment. Et que s'est-il passé quand t'es arrivé dans cette jungle, Bruxelles, hein? Et ben là, j'ai découvert un Jadoul en liberté et je lui ai dit, mais que faites-vous ici? Ah, je pensais qu'il y avait eu un incendie, pardon. 22h, c'est la trappe sur KF. Si, c'est vrai. Un incendie. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi, oui. Je t'as vu? Oui. Non, mais t'es bien informé, n'empêche. Bah oui, tu m'as envoyé les vidéos d'un truc en train de brûler, la gare Schumann. Oui, c'est vrai. Non, c'était pas la gare, c'était à l'arrêt de bus. J'ai plus le nom. Bref. Mais peu importe, mais il y avait un bel incendie quand même. Bien, j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts et qu'il n'y a pas surtout de blessés. Voilà. Bah non, mais vraiment, ouais. Bah, le blessé dans l'histoire, c'est encore moi, parce que je me dis quand même que c'est toujours compliqué de faire ce voyage. Allez, on va faire des paris avec les auditeurs. 0-2-315-10-15. Va-t-il un jour arriver à la radio frais en disant « mais tout s'est bien passé ». Franchement, nickel. Aucun problème, ça a été à la cool. Les doigts dans le nez. Les doigts, ouais, oui. on va suivre cette affaire de près. Dans quelques instants, je te propose qu'on retrouve Jean-Michel. Je ne sais pas s'il est déjà lui arrivé dans les parages je l'ai du pas studio. Vu. Non, pas encore. Je ne l'ai pas vu. J'espère qu'il va bien. Ouais. Mais Jean-Michel est notre ivrogne de service. Jésus qui avait un café qui venait d'ouvrir pas très loin. Ah, bah voilà. Bon, on va essayer de voir si on peut y retrouver tout à l'heure. Et on aura une nouvelle séquence qui s'appelle le Fituning. C'est un featuring. Mais vers tuning. Je pense que ça va vous plaire. On se retrouve juste après Gazo sur KIF pour faire toutes ces conneries. Et puis la minute tactile, on va vous faire économiser jusqu'à 1 300 € par an. Là, moi je les veux bien. Ah, ça va intéresser par les temps qui courent. KIF est là pour vous. On vous prépare des trucs, je pense que vous allez adorer. Vous restez branchés sur KIF. 22h, c'est la trappe sur KIF. Alors, je te propose que dans cette minute tactile, on se penche sur un gros problème qui est la facture d'eau. La facture d'eau, c'est toujours un petit peu ce qui tend un peu aussi les relations dans la famille. C'est ce qui fait que ton père turle avant que t'ailles dans la douche. C'est ce qui pique. Pas un quart d'heure, hein. Je connais pas ça, moi. C'est vrai. Pas un quart d'heure, ok, une demi-heure, ça va. C'est vrai, tu prends des douches longues. Oui, vraiment. Moi, c'est le moment où je me détends. Donc la douche, c'est le seul moment où je suis détendu, je suis calme et en plus c'est là où je réfléchis le plus. C'est là que dans ta famille, il devrait faire un calcul, combien ça coûte d'installer une baignoire par rapport à la consommation d'eau d'une douche de 30 minutes. Mais tu vois, la différence, c'est qu'une baignoire, j'aime pas du tout parce que j'ai l'impression qu'on, enfin c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression qu'on est moins propre. La douche, parce que là ça c'est cool, la c'est douche, et quand tu sors de ta baignoire, tu te recolles toute ta crasse. C'est ça, exactement. Ouais, c'est une marmite, quoi. Tu sais, ce que je déteste vraiment, c'est que, enfin moi j'utilise un peu trop de savon, et voilà, comme ça vous savez tout. J'ai l'impression que tout ce savon reste dans l'eau de la baignoire, ouais, et quand tu en sors, t'es un petit savon toi-même. Oui. Bien gluant, bien visqueux. Ouais, c'est ça, et t'as l'impression qu'il y a une espèce de couche de savon sur ta peau, c'est assez désagréable. Bref, on n'est pas là pour parler de. Un petit débat. Problème de douche et de baignoire. On est surtout là pour parler d'une douche particulière qui recycle en fait 75% de l'eau qui est utilisée dans cette douche. Alors c'est la marque Groé, je sais pas comment vous dites, qui a été dévoilée cette semaine, une douche qui est capable de recycler de l'eau utilisée pour réduire sa consommation d'eau. En gros, ça va réduire de 66% votre consommation d'énergie. Le tuto, comment ça fonctionne ? La douche récupère l'eau dans l'évacuation pour la réinjecter dans le pommeau de douche. Jadoul plombier, vous pouvez le contacter. Moi, je m'occupe que des soupapes. Donc, en gros, ça prend la vieille eau sale, bien sale et bien... ça te la remet en haut. L'eau du pédiluve. C'est ça. Bon, le système peut être activé manuellement ou pas, hein, ça dépend. En gros, ça veut dire que si t'es dans la période où tu te savonnes, okay. Bah, t'actives le système, comme ça le savon te recrache dessus et comme ça tu peux vraiment savonner. Ça va bien être sale, quoi. T'as pas à te rapisser dans la douche à ce moment-là. Tu utiliseras peut-être moins de savon. Puisque le savon qui s'écoule va revenir sur toi. C'est possible. Bon, ouais, je c'est doute surtout... qu'il soit propre. Oh, bah voilà, c'est du savon. Hein. mais il paraît que la marque assure que cette eau sale, entre guillemets, enfin l'eau de l'évacuation, est retraitée. Retraitée pour qu'elle puisse être plus ou moins saine quand elle recoule dans le truc. Imagine, ça boucherait la douche d'utiliser une vieille ou sale, surtout un gars qui perd ses cheveux. Donc, grâce à ça, selon leurs calculs, il serait possible d'économiser 1300 euros pour une famille de 4 personnes. Donc, c'est un calcul qui est basé sur une moyenne de 300 douches par an d'une durée de 10 minutes. Donc, toi, tu fais x6. Voire plus. Ça dépend les jours, mais voire plus. Donc, si vous êtes intéressé par cette douche, sachez qu'elle n'est pas en vente, étant donné qu'ils n'ont pas encore commercialisé le produit, ni communiqué le prix. Donc, ça devrait arriver. On ne la trouve pas sur Amazon. Non, peut-être qu'il y a une contrefaçon. Enfin, pas une contrefaçon, mais une version, on ne va pas les citer. Oui, similaire, mais oui, bah oui. Peut-être, il se peut que cette version cheap. Jette un peu d'acide au passage ou du plastique un peu pas terrible, mais bon, c'est une affaire à suivre. Vous avez maintenant l'astuce si jamais vous voulez économiser de l'eau et vous lavez dans votre vieille eau. Voilà, vous savez que ça existe. Le 20h22h. Oh là là. C'est avec Jadoul dans la trappe. Oui, je fais aussi forain en intérim. Beyoncé maintenant sur KIF. Canon, ce nouveau Beyoncé, on est impatient de voir ce que ça va donner au Super Bowl. Hein. Je pense que ça va être encore un truc de ouf, comme d'habitude. Historique. Moi, je regardais, je pense d'ailleurs. C'est vrai ? Oui. Super Bowl, même. J'y connais absolument rien, mais avec juste pour le show. Avec le décalage horaire, je sais pas à quelle heure ça tombe en Belgique. C'est vraiment dans la nuit. En France, je pense que c'est C-Star, le diffuseur du Super Bowl. Après, je suis plus sûr du tout. C'est peut-être des fois TF1, j'en sais rien. Je parle sans savoir. On va par contre parler d'un sujet super important, c'est votre appli indispensable. C'est le sujet de l'émission. Jusqu'à 22h, on va parcourir vos messages vocaux qui arrivent sur notre numéro WhatsApp. Au 02-315-10-15. 02-315-10-15. On lit tout dans quelques instants. On écoute vos messages aussi. On va faire d'ailleurs le tour ici dans l'équipe. Hein. Kix, ce sera quoi ton application dont tu ne pourras pas te passer? Là, si je la supprime de ton téléphone, tu seras mal. L'application de la SNCB. C'est oui. Tout ce qui compte avec l'argent, les transports, ça, il faut surtout pas. Non, sinon, une application que j'aime bien, c'est WeWork. Ah, tu nous la diras pas. Oh, mais j'ai pas dit. Non, vas-y, dis-la maintenant, vas-y. C'est quoi l'application? C'est WeWork. Et si tu veux, je peux l'expliquer plus tard. Non, tu vas nous le dire maintenant. Ah bah je le dis maintenant. Bah alors c'est tout simple en fait. WeWork, ça permet en gros quand tu te balades, quand tu marches beaucoup. WeWork, tu peux gagner de l'argent rien qu'en marchant. Et ici en Belgique, je crois que c'est 0,007. C'est quoi les trois premières lettres? WEWARD. Ok, WeWork. Je sais pas si c'est S, mais. WeWork. C'est ça. Et donc du coup, bah. Tu gagnes de l'argent quand tu marches. Exactement. Bah, tu gagnes pas non plus des centaines d'euros. Hein. Mais franchement, ça fonctionne bien. Et là, si tu veux. C'est qui finance ça? C'est des dons comme ça? Merci de marcher. Allez, voici de l'argent. Bah, en soi, en fait, donc, tu as des pubs, des publicités. Ah, oui. Et donc, les publicités, paye un petit peu. Et en contrepartie, à chaque fois que tu marches, que tu fais des kilomètres, etc., tu passes un palier et donc tu gagnes de l'argent. Donc, sur le côté. Il y a des sites qui s'appellent les Fermaclic, où vous allez simplement visionner des publicités et recevoir l'argent de les pubs que vous avez visionnées sur PayPal. Là, ici, ils sont encore plus fourbes. Ils te font regarder des pubs et ils te font payer ça en marchant. Non, en soi, en fait, de base, tu marches tout bêtement. T'es pas obligé de regarder les pubs. Maintenant, tu peux regarder, par exemple, des pubs qui vont te faire payer. Ouais. Tu vois, donc tu regardes une pub et ça va te donner de l'argent, je veux dire. Ok. Mais je pense que tout fonctionne vraiment. Je pense que c'est les publicités qui payent ça, en fait, pour que l'application fonctionne. Ok. Je tombe pas sur le mot, ça m'ennuie. C'est complexe, mais on va comprendre ça dans les jours. En vrai, c'est très simple. En vrai, c'est très simple. Oui. Ah, mais je vois que tu cherches l'application, donc tu me feras une démo hors antenne. pour voir un peu le truc. Ok, d'accord. Et je suis déjà à 16 euros. C'est vrai? Oui, bon, en deux ans. Mais... mais c'est pas mal. Et on peut retirer seulement à partir de 20 euros. Et puis, une fois qu'on arrive un peu plus de 20 euros aussi, on peut retirer. Mais voilà. Non. Ouais, je pense que on va découvrir l'application en antenne d'ici quelques instants. Peut-être que ça va m'intéresser ou finalement qui marche beaucoup dans Bruxelles. Ah bah là je pense oui. Ouais. Toi qui peux pas trop compter sur les transports en commun et tout ça, je pense que l'application c'était un choix judicieux. Bon bah au final on a plus le temps de faire notre certifié, on le fera tout à l'heure. Bah juste après Sniper. La trappe des 20h. Si je dois expliquer avec mes mots, c'est une espèce de fancy fair avec des gens rigolos malgré eux quoi. Heureusement qu'ils sont gentils hein, quand on voit leur tronche. Il est l'heure de faire notre certifié de la semaine. Est-ce que tu sais quel est le rapprochement entre l'amour et le cassoulet, Kix? Pas du tout, dis-moi, j'attends ça. J'attends que ça. On va découvrir ça tout de suite avec Pierre Palmade. On dit que l'amour donne des ailes et que le cassoulet donne des gaz. Eh bien, c'est l'inverse. Merci Pierre. D'accord. Alors Pierre Palmade, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est un des plus grands humoristes français. Hein, c'est un peu le Gad Elmaleh d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, Pierre Palmade est un peu plus proche de Paul Mirabel en termes de vivacité. Il est calme pour le moment. Il s'est un peu calmé. Il a fini sa débauche. C'est un grand alcoolique notoire qui sortait dans toutes les soirées gays de tout Paris, voilà. Et maintenant, il est calme. Voilà, il est dans son petit château, je sais pas où, en périphérie de Paris. Et il est calme. Donc il fait ses petites vidéos sur Instagram. Ouais, il est bien, il est tranquille chez lui. Il en a sorti une il y a 2 heures. Là, je l'ai regardé dans le train, mais j'aurais pas dû. Ça m'a foutu le cafard. Enfin bref. Sans commentaire. Merci pour le rapprochement entre l'amour et le cassoulet. Dans quelques instants, on va vous parler de vos entrées pour le parc Paradisa. C'est ce qui arrive. On aura notre invité qui sera co-baladé dans notre FaceTime. On a de la chance nous ici. C'est canon ça. On a que de la chance chez KF. On a que de la chance. J'essaie de gagner des points. Et la nouvelle séquence qu'on a créée exclusivement pour l'émission de ce soir, c'est le Futuning. C'est le Futuring, mais version tuning. Vous bougez pas. Oh, mais vous êtes là, mais ça fait plaisir de vous croiser ici. Énorme. On va faire notre grande séquence, c'est l'interview combinée. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KF. Alors je vous explique ce que c'est. Le principe est simple, on prend une interview du média internet qui s'appelle Combini. Ils font des questions à des gens, des randoms, hein. Ça peut être des artistes, des rappeurs, comme ça peut être un gars qui tient un bowling dans une petite province. Et ben là, on a pris Katia. Katia. Bienvenue Katia. Alors elle parle pas du tout comme ça, c'est une parisienne. Katia, elle a 88 ans, elle est coiffeuse. Voilà, elle a une toujours parisienne. Eu son salon de coiffure avec les gens, elle les coiffe et tout, bref. Donc Katia, c'est le sujet du jour, le principe est simple, on prend la réponse de l'interrogé et nous on essaie de faire une question encore plus drôle que la réalité. Le moins drôle d'entre nous, petit coup de combiné sur le coin de la courge, ça fait toujours plaisir. Voici la première réponse que Katia va nous donner. Elle partait d'ici, elle pétait le feu. Alors, qu'est-ce que tu as comme question, toi, Kix? Alors, moi, j'ai croisé la facture d'électricité de KF. Elle partait d'ici, elle pétait le feu. Tu sais qu'on a reçu un mail ce matin. Vraiment? Oui, pour faire un peu attention. Mais dans toutes les boîtes, hein. Je travaille dans plusieurs boîtes. Il y a une autre boîte où là c'est pire, ils nous ont réglé le chauffage. Non, mais là c'est la boîte de nuit, là c'est pas la même chose. Non mais c'est vrai qu'ici, ça va, on n'est pas trop énergivore chez KF. Mais il y a d'autres radios où c'est abusé, où effectivement ça fait pas de mal que la facture d'électricité soit un peu haute, comme ça on coupe quelques écrans qui servent littéralement à rien. Surtout quand on ne sait pas filmer. Ouais, on fait attention, c'est autant. On fait attention, et puis on va mettre des doudounes et on sera très heureux. Moi j'avais. La pyromane nymphomane quand je l'ai croisée. Elle partait d'ici, elle pétait le feu. Deuxième question, deuxième réponse. Voici ce qu'elle dit. Tu vas leur dire ça, t'en prends pour un vieux con. Alors, la première phrase que j'ai dit à Jadoul quand il m'a annoncé qu'il avait créé des jingles et que justement il devait en parler au producteur. Vas-y. Tu vas leur dire ça, t'en prends pour un vieux con. Je vous explique. Le problème de Kix, c'est qu'il me dit quand j'ai fini ma question, je te fais un signe. Je te fais un signe. Et le problème, c'est qu'il démarre son signe quand il commence à parler. Et donc, je sais jamais quand lancer. Moi, j'avais écrit. Quand tu dis que tu fais de la radio en 2022, tu vas leur dire ça, t'en prends pour un vieux con. Ah ouais, pas mal, ça fonctionne. Ça fonctionne. Non, c'est un média d'avenir, la radio. Et l'air de rien, la radio, c'est le seul endroit où vous pouvez écouter de la musique choisie par des humains, gratuitement, sans pub. Enfin, si, avec des pubs, mais je veux dire. D'ailleurs, on va vous lancer une pub là tout de suite. Allez, petite publicité. Non, évidemment. Cette séquence n'a pas été approuvée par la direction de KF. Troisième réponse. Elles marchent avec leurs chiottes, là, leurs machins. J'ai vu des images de la Fashion Week. Elles marchent avec leurs chiottes, là, leurs machins. Ah, c'est drôle, moi c'est vrai qu'il y avait des coiffures épiques. Hein. Les chroniqueuses des grosses têtes. Elles marchent avec leurs chiottes, là, leurs machins. Sympa, je crois qu'elles vont être contentes si elles nous écoutent. Voilà, on les embrasse. Geneviève de Fontenay ira changer sa poche. Voilà. Bref, quatrième réponse. Oh là là, elle me plaît pas, je ne la coiffe pas. Quand je regarde ma touffe sous les bras chaque matin. Oh là là, elle me plaît pas, je ne la coiffe pas. Ah, on apprend à se connaître dans cette émission. C'est pas mal. Moi j'avais Afida Turner. Oh là là, elle me plaît pas, je ne la coiffe pas. 20h-22h, c'est la trappe sur KIF. La morale de cette histoire, Katia? Je pense que quand on aime bien manger et qu'on aime bien la vie, on est heureux. Oui, je pense que c'est essentiel. Ouais. Faudrait prendre du cassoulet comme Pierre Palmade. Et une petite ambiance très cool ce soir, je trouve. Oui. Très calme. 21h dans moins de 40 secondes. Oui, c'est la preuve qu'on est en direct. Hey, tu fais ça. Peur. Ouais, ouais, c'est mon côté. J'allais dire un truc, mais c'est un peu vulgaire. 20h22, c'est la trappe sur KIF. Bonne nouvelle, c'est l'heure de notre FaceTime. Oui. Alors, tu connais le principe du FaceTime? Oui, c'est normal, c'est ta séquence. Oui, quand même. Le principe du FaceTime, non, les gens ne sont pas réellement avec nous dans le studio. En fait, on prend l'une de leurs chansons, on récupère la voix de la chanson. Exactement. Et on la découpe et on retourne tout ça pour faire une interview. C'est ça. L'heure du FaceTime, à table FaceTime. Alors, cette semaine, Kix, tu reçois qui dans le FaceTime? Alors, je reçois Cobalt. Allô, je suis en appel avec une chèvre là. Ma mère pousse des pommes. Ah Koba, c'est toi. Comment ça ta mère pousse des pommes? Y'a quoi? Je me réveille, je suis suis pour vendre, je sais, je me l'avance pire. Quoi? Il a dit quoi? Attends. Non mais franchement là il faut faire un effort, j'ai rien compris. Alors calme-toi et articule et recommence ou ça va? Je vais te faire enculer. Ah ok, c'est sympa ça, 21h. Franchement. Merci Koba. Alors malheureusement j'ai attends, compris. Attends, non, non, non, Koba, tu peux être poli s'il te plaît. Non, j'ai rien compris, j'ai rien compris. Koba, articule. Tu vas te faire enculer. Ok, ah ouais, bon, vas-y. Non, franchement, c'est sympa. Non, mais là, du coup, comme je disais, donc j'ai compris, mais pourquoi tu m'appelles? Je pense à l'appel. D'accord, mais moi, je peux rien y faire. Pourquoi t'appelles pas les personnes concernées pour ça? Je me rappelle, la plupart, c'est des putes. Ouais, ah. Ok, bon, bah, calme-toi. Je vais essayer de faire passer l'info, mais où? Dans le cul. Bon, écoute, t'es sympa, mais je préfère couper la conversation. À plus, Koba. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du FaceTime. Est-ce qu'on peut juste parler deux secondes du dernier son? Alors, déjà, Koba l'année, il fallait l'oser. Ouais, ça va, on joue ses sons. On joue le jeu. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est les paroles. Puis c'est la parole. Et on ne force à rien. Hein. Surtout ça. Dans le cul. C'est moi, c'est le cri qui est fou derrière. Dans le cul. Ça, mais, c'est quand tu te fais épiler. Mais je me suis amusé à faire un petit raccord. Hein. C'est pas réellement comme ça dans la musique originale. Ah, c'est plus long? Non, non, de base, ah. Y a pas le. Ah, ok. Enfin, si, oh, elle existe, alors. Mais au début. Oh, y a du talent. Ah, bah écoute, on fait comme on peut. Hein. Eh bah, tu sais quoi? Par rapport à la semaine dernière, celui-ci est 5 étoiles. Ah, merci, c'est gentil. Bienvenue sur KIF. Dans quelques instants, Timal arrive. Voici Tia que là. Oh, c'est Cocoba là. Tu m'as laissé. Oui, ça change de ce que j'écoute d'habitude, mais c'est sympa. 22h, c'est la trappe sur KIF. Ça va, tout va bien, tout le monde est heureux, tout le monde est bien installé. Je parle de l'autre côté de la radio. Hein, tout le monde, ah ok, sympa. Ouais. Super, on s'en aimait ici. Oh, ça va, ça va, ça va. Alors j'ai une bonne nouvelle, Jean-Michel vient d'entrer dans les locaux de la radio. Il est là-bas. Rapprochez-vous un peu, et Jean-Michel. Il a quand même une de ses dégaines. Oh là là, vous le verrez. Qu'est-ce qu'il y a? Rentrez votre chemise un peu. Là, ouais, c'est affligeant possible, un peu. C'est... Coupez son micro. Non, mais c'est... Il est au fond du studio, ce mec. Non, mais... Jean-Michel, vous êtes prêt? Tout à l'heure, ça va être à vous, hein? Ouais, c'est bien, hein, mais là, je fais une petite pause, j'ai des petites bulles dans le ventre. Oula, on veut rien savoir. Ah bah. Vous savez quoi? On va s'arrêter là, Jean-Michel. Et, on s'en dit plus tard. Non, attends, non. Je peux vous annoncer déjà qu'on aura deux séquences folles qui vont arriver. C'est le featuring, c'est un featuring, mais version tuning. Et on aura aussi le Hockey Boomer. En gros, on va parler d'un projet qui est la consigne numérique en Belgique. Alors, on connaît la consigne quand on, justement, Jean-Michel, hein, quand on prend des bouteilles en verre. Il y a une consigne par rapport à ça. Et là, ça va être par rapport aux canettes et aux bouteilles en plastique. On va en parler dans quelques instants. C'est surtout que c'est un sujet important quand on connaît la propreté des lieux. Voici d'autres sujets du jour. Votre application indispensable. Alors, je reçois beaucoup de messages, même sur mon Instagram, Jajadoul. On peut se rejoindre là-dessus. J'ai reçu un message. Mon application indispensable, c'est l'application Grindr. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas, hein, ça dépend de chacun. Moi, et pour WeWord, du coup. Ah oui, c'est vrai. C'est sympa. Il y a quelques instants, si tu recontextualises, tu nous as parlé d'une application qui permet de... De gagner l'argent quand on marche, voilà, voilà, tout simplement. Exactement. Alors, moi, je l'ai un peu jugé, j'ai dit que c'était complètement éclaté, son truc. Mais au final, il m'a montré l'application, j'ai essayé de comprendre comment elle fonctionne. Et c'est pas si pervers que ça, parce que t'es même pas obligé de regarder une pub que tu peux gagner de l'argent. Voilà, c'est ça. Si tu marches vraiment beaucoup, et surtout si vous êtes voilà, sur Bruxelles par exemple, bah là il y a vraiment de quoi marcher. Enfin, il y a les transports en commun, mais bon, voilà. C'est pour avoir un boost que tu regardes une publicité, mais sinon, ouais, franchement, ça marche. Alors, moi j'ai juste un truc qui m'inquiète. Oui. C'est que font-ils des données de la marche? Ça. Moi, ah, je peux rien y faire. Ah bah si, t'as téléchargé l'application, c'est vrai. Et il faut voir dans les consentements que tu as donné. Toi, quand il y a des consentements à donner, et oui, je mets juste accepter, ok, mais c'est bon. Là, tu lis rien. Pas pourquoi faire. Oui, pourquoi faire. Je compte pas faire des posters de ma chambre. La direction de KF m'a laissé des papiers à signer, ouais, ici, et c'est pas une vanne. Hein. Attends, je vais te les chercher. Voilà, on a reçu des papiers entre les parties. Voilà, tu signes en bas, tu lis pas, s'il te plaît. Attends, bouge pas. Je voilà, prends le papier, hop, et. Voilà. Non, je rigole. Et là, le boss de KF oui, se dit, oh, mais... il vient de déchirer notre contrat. Rassurez-vous, c'était pas le vrai. On est la seule émission qui fait 3 émissions avant de signer le contrat. À mon avis, il voulait voir si ça marchait. Et on fait les bruitages en réel. Ouais, c'est ça. Bon, alors, votre application indispensable, c'est quoi? Moi, j'en ai une. J'en ai même plusieurs, mais il faudrait que je me décide sur laquelle est la plus importante. Oui. Laquelle dont je peux pas me passer? Bah franchement, je vais rien spoiler, mais je dirai pas celle-là tout à l'heure, mais c'est Instagram. Déjà, Instagram, je sais pas m'en passer. C'est là-dessus que je discute avec tout le monde, avec ma famille, mes potes, tout le monde. Ouais, c'est vrai. Moi, j'utilise aussi assez souvent. C'est quoi ton réseau social que tu utilises le plus, toi? Généralement, là, c'est surtout Instagram. Après, enfin, Instagram en priorité, puis Messenger. Ah, donc, oui, tout Messenger, le reste, oui, j'ai pas Twitter, j'ai pas. C'est ouais, pas le reste, je sais pas. Voilà. Je garde vraiment que ça, c'est le principal. Je trouve qu'il y a que ça qui est intéressant, à okay, mon sens. Voilà. Bah écoutez, dites-nous, hein, aussi, ça marche aussi, ça peut être un réseau social. 02 315 10 15, vos messages vocaux, on les attend. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KF. Ah, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute un super son, c'est Timal. Featuring? En featuring, oui, avec Booba, que j'adore. Vraiment, je suis fan. N'en fais pas trop, hein. T'as déchiré le contrat, vrai, t'as déchiré le blague, contrat. T'as mais. Tu me fais rire. Sympa. Non, mais. Tu te moques. Je te vois, tu te moques. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu des studios de radio, mais il y a une grosse lampe rouge autour du micro. Et lui, il est tranquille, comme ça, qui se balade et tout. Et d'un coup, quand il y a le voyant. Le voyant rouge qui apparaît. Il y a un arrêt cardiaque, recul comme ça qui se fait. Ouais. Ah non, c'est sympa. Dans quelques instants, je suis impatient. Nouvelle séquence, le featuring. On va parler featuring et on va faire du tuning entre deux artistes. Ça va être encore canon comme moment. Vous restez avec nous, c'est la trappe. 20h, 22h, c'est la trappe sur KF. Ok, boomer. Nouvelle séquence, c'est... non, pas du tout. Mais on l'a fait depuis le début. Mais en gros, nouveau sujet, évidemment. On change chaque semaine, sinon ce serait un peu chiant de réécouter toujours la même chose. On va vous parler de la consigne numérique qui a été annoncée en Belgique. Alors, dans un futur proche, on serait le premier pays européen a instauré une consigne électronique sur les canettes, les bouteilles en plastique. Donc jusqu'ici, en fait, les grosses industries, hein, on peut tous les citer, Pepsi, Coca-Cola, tout ça, okay, ont bâché l'idée, ont dit non, ça n'irait pas. Et maintenant, ils sont partants. Alors, en gros, comment ça fonctionne la consigne numérique? Grâce à un smartphone, vous scannez votre canette ou la bouteille en plastique, et vous scannez aussi le sac poubelle dans lequel vous allez mettre votre canette. Et les données sont envoyées sur un ordinateur central qui calcule le montant représenté par votre action de jeter okay, dans la poubelle, et ça reverse tout ça sur votre compte en banque. Je me demande si j'ai pas vu ça d'ailleurs à Namur, pour faire un petit peu de pub. Je pense qu'il y a des poubelles justement qui fonctionnent comme ça. Dès que t'as un déchet, tu dois scanner le code barre et la poubelle en même temps, et ça doit être le même délire à mon avis. C'est ça. Donc ce sera une grande première en Belgique en 2025. C'est... Non mais j'ai dit que c'est à peu près le même délire. Après là c'est pas du tout, enfin là c'est des consignes donc c'est différent, mais j'ai vu ça à Namur. Voilà à quoi je rêve. Ok. Bref, donc en gros, ça permettrait de gagner entre 10 et 20 centimes par canette ou bouteille. Et même si les Belges sont considérés parmi les meilleurs trieurs de la terre entière, oh, ah oui, c'est une belle fierté. On est premier quelque part. Mais l'air de rien, il y a quand même des dizaines de milliers de déchets qui jonchent les villes, et c'est quand même vraiment pas beau. Il suffit de se balader dans certains coins de Bruxelles, ils peuvent nettoyer tous les jours, ce sera toujours crade. Et ils ont calculé que ça coûterait des centaines de millions d'euros pour implanter ce nouveau type de collecte, mais visiblement, c'est pas trop cher et c'est ça qui a convaincu les industries. Et il faudra juste, par contre, mettre des puces dans les poubelles publiques pour vraiment que chaque endroit où tu jettes ton déchet connecté, bah, tu puisses toucher la caution. Et donc, c'est intéressant parce que ça peut être sympa, ouais. Ça responsabilise les gens via l'argent et ça pourrait être opérationnel en 2025, selon les promoteurs. Bon, c'est à suivre hein, parce que c'est quand même un gros bazar à mettre en place. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, on devra même scanner sa poubelle, on devra scanner son petit sa canette, son bidon tout, de lessive. Ouais, ah ouais, bah, c'est une chouette époque ça. Putain d'époque, j'ai payé mes impôts et j'ai pris mes médocs. Putain d'époque. On dit un peu comme caissier en fait. C'est qui caissier? Non, pas caissier, caissier. Ah on scanne tous les produits. Poubelle. Mais dis-toi que quand tu vas vraiment sortir tes poubelles, ça va être scan. Je sais pas si ça va être sympa, mais en tout cas, on peut que saluer à l'heure actuelle l'initiative. Ouais. C'est vrai que ça peut être sympa. Non, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça et de tester le truc. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KF. Et voilà 50 Cent Eminem. All right. Les micros qu'on allume, c'est là. En fait, j'ai remarqué que quand on allume les deux en même temps, ça coince. Tu vois que le voyant rouge, ça fonctionne bien. Ouais, j'ai allumé les deux en même temps, il a pas voulu. Bon, bref, c'est pas grave. On devait juste vous parler de Perry Deiza rapidement en deux secondes. On a un beau cadeau pour vous. Et oui, on vous fait gagner vos entrées pour le parc. Bah, du coup, Perry Deiza, comme tu l'as dit, c'est à partir du 15 octobre. Alors, c'est bien évidemment, comme vous le savez, le meilleur zoo d'Europe. Et avec ses magnifiques décorations d'Halloween, etc. Au programme, vous avez des décorations, des animations. Donc, c'est des spectacles de feu, des mappings, une centaine d'artistes et des personnages monstrueux. Toutes les infos et horaires sur perrydeiza.eu. Vous avez juste à retrouver ça sur le site internet, c'est très simple. Comment on fait gagner combien de places? Deux places pour Perry Deiza. On fait comment pour les gagner, nous, si on est auditeur de KIF? Bah, c'est très simple. Vous envoyez PARC en majuscule, donc P-A-R-C, par SMS au 6007. C'est 1 euro et envoyé par message reçu. Et voilà, enfin. Un euro par message envoyé et reçu. Voilà, c'est ça le. C'est plus le exact vrai parce que si je fais. Parce que c'est un euro par. Si je fais la phrase dans un autre sens, ça va pas. Énorme. Allez, je te propose maintenant qu'on se connecte à une nouvelle émission après Pimp My Ride que plein d'auditeurs ont connu. Hein, je pense que les gens qui écoutent KIF. C'était cool ça d'ailleurs. Sont aussi des gens qui ont regardé MTV à l'époque. Donc nouvelle séquence. Je vous propose de faire un featuring, mais c'est notre grand featuring. Aujourd'hui, c'est deux univers de la chanson française qui vont s'entrechoquer. Oh yeah! Prenons ce vieux brigand de Renault. Tu vas bien, mec? Ah oui. Tu en as marre du fabrique. Ok, cool. Rien à rajouter, mon gars? À boire. Ok, cool, moi aussi il fait beau aujourd'hui. Accroche-toi bien, je t'emmène direct à Marseille. L'homme qui sort plus de titres en un mois que Britney Spears sur toute sa carrière. Vous avez trouvé comment il s'appelle? Non, bah merci, laissez-moi seul. C'est Jules. Ouais, allô. Allez, parfait, on peut démarrer ce grand futuning. Énorme. Renaud, comment te sens-tu, mec? J'étais un peu absent. Parfait, j'ai décidé avec le... Le est passé à la maison. Parfait. Avec le crew, j'ai décidé de te donner un petit coup de pouce à ta carrière. En passant le suiveur sur tes disques, on s'est rendu compte que les paroles de tes chansons sont pas si mauvaises. Excellent. Mais si tu veux être dans le coup, on va te propulser dans l'univers de Jules. Alors, vieux, t'es prêt à chanter ce texte, là, qu'on te file? Ouais. Ça va être très dur encore comme imitation, ça. Alors, ça va... Vas-y, je prépare ma voix, vas-y. Attends, je te redonne un petit là. Vas-y. À boire. Ça va être beau, ça, je le sens, attention. 3, 4. J'étais un peu... Merde. Alors ouais, cette émission, elle est faite avec les pieds. Générique de fin, il est où? Le pianiste a mis un peu de temps à débarquer. Allez, t'es prêt, Renaud? 3, 2, 1. C'est parti. Je code plus le béton. J'ai de mes potes qui sont béton. C'est les paroles de Jules. Serre, que ça retourne sans veston. Ils se reconnaissent dans mes sons. Ah, ça marche bien. Alcoolisé au guidon. Je fais des doigts d'honneur au Schmitt. Faut voir ce que nous vivons. Entre les histoires et les flûtes. Que ça m'étonne. Oh, oh. Même plus je m'étonne. Oh, oh. C'est Père Noël, ça? Et si mon heure sonne, oh, oh, pleure pas, rigole, oh, oh, bienvenue. Ah oui, ça marche bien. Ça, c'était de la promo. J'ai ma team, pour ça que je m'en tape de la promo. Bon, allez, sors. Qu'il parle de moi, il me casse les couilles. Ouais, c'est bon, on va s'arrêter là, en fait. Le 20h-22h. C'est que fait. Jadoul. Dans la trappe. Oui, je fais aussi forain en intérim. Nous aussi, t'inquiète pas. Voici Linda, avec Dadjou sur KF. Comment ça va? On dirait que ça va. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'est marré avec cette séquence là? Pouh, le fut-tuning, mais qu'est-ce que c'était bon! Fut-tuning! Je sais pas ce que vous en avez pensé de l'autre côté de la radio, hein, parce que nous on s'amuse beaucoup, peut-être que voilà. Mais j'aimerais bien qu'on va négocier avec KF, voir s'il y a moyen de mettre l'émission en podcast. Ce serait intéressant. Avoir les replays comme ça, vous pouvez en parler aux gens. Parce que c'est vrai qu'au final. Partager, faire de la pub en même temps. Là, vous êtes dans la voiture à Bruxelles en train de faire le plein, en train d'attendre sur le ring ou qu'importe. Mm-hmm. Vous êtes là, vous vivez l'instant présent en même temps, en direct, à 21h26. Mais il y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir écouter la radio à cette heure-ci, qui sont plus du matin, qui sont plus du soir. On va négocier avec KF, voir s'il y a moyen de faire des podcasts. Ceci étant dit, dans quelques instants, on va avoir le crypto troquet de Jean-Michel. Jean-Michel qui est toujours dans le fond. Jean-Michel. Oui. Ah, j'ai eu peur que vous vous étiez assoupi. Vous aviez la tête un peu penchée. Hein, quand bon, même. Mais je regardais parce que je bavais un peu sur mon côté de chemise. Rapprochez-vous du micro, Jean-Michel. Oh. On va pas vous la prendre à chaque fois. Je disais, je regardais sur mon côté de chemise parce que j'ai un peu bavé. Ah. Bah quoi, ouais, très très propre. Non mais faites gaffe, hein, parce que si vous léchez ça, vous allez être fort alcoolisé. Hein. Bon, vous savez quoi, je pense qu'il y a moyen qu'on vous reserve un petit verre comme ça. En volonté, avec plaisir, mon jardin. Est-ce qu'on a quelque chose en stock pour notre Jean-Michel? Jean-Michel, on va vous resservir. Merde. Bon, quand c'est déjà mes verres, ça commence bien. Allez, s'il vous plaît, buvez. Merci. Buvez. Doucement. Jean-Michel. Doucement. Pas tout d'un coup, non. Oh, oh, oh, oh, oh. Mais quel fou. Ah, mais quel puits. Suivant. Bon, on va vous retrouver dans quelques instants pour votre crypto troquet. C'est votre troquet, votre bistrot dans lequel on vous retrouve chaque semaine. Ça se passe juste après vos messages vocaux. D'ailleurs, il y en a plein qui continuent à arriver. Mon application indispensable, c'est Philips Hue. Ah oui, pour contrôler les lumières. C'est un message qui est arrivé. Bah, en fait, ça Philips Hue, tu vois, c'est les ampoules connectées. D'accord. Et en gros, tu contrôles tout avec ton smartphone. Et c'est vrai que quand tu rentres chez toi, bah tiens, t'allumes. Ouais, ça fait classe. T'arrives là, tu. Donc, si t'étais riche, t'arrives. T'as vu ce que j'ai, chérie? Hop, tac. Bah, chez moi, j'ai 5 ampoules de la marque. On peut en citer d'autres. Hein. Je pense qu'il y a IKEA qui fait ça. Il y a des Chinois aussi qui font ça. Noël. Ouais, non, mais alors, quand j'arrive chez moi, tu sais, j'ai plusieurs ambiances. Ok. Bon, faut pas se tromper d'ambiance en fonction de la personne avec qui tu es, parce que si tu reçois des potes et que tu mets tout en rose, voilà. Hein, alors on fait une pyjama partie ce soir. Ouais, et puis pour les voisins qui voient toute cette lumière à l'extérieur, ça doit être quand même sympa. Donc Philips Hue, pour le message n'est pas signé, mais on continue à lire et écouter vos vocaux qui arrivent au 02 315 10 15. French Montana pour la suite. On aura aussi DJ Khaled. En attendant, on continue votre soirée en direct dans la trappe avec Soul King maintenant. Vous savez, quand on collabore avec des équipes, le tout c'est de coordonner. Et figurez-vous que je ne suis pas que le saltimbanque de cette émission, je suis aussi le producteur. Et ce qui implique, avec des gens comme Kix autour de cette table. Enchanté, bienvenue. Une certaine assiduité sur le contrôle des textes. Et je viens de lire, je vous jure, le texte a été imprimé, je reçois le texte. Il n'y avait plus rien de ce qu'on avait écrit hier soir. Mais si, ça va aller, tu vas voir. Ouais, on verra, on verra. Bon, on va vous parler de Fuse. Est-ce que tu connais Fuse? Ça me dit un truc, mais je pense qu'à Fusti, moi. On en parle tout de suite, c'est la mise à jour. Dès 20h, c'est Jadoul et son équipe. Ça manque juste un peu de quelques poulettes ici, mais bon, on va faire ça. Hein. Ouais, bah oui. Le Fitz, c'est un nouveau. Il bah, y a encore du travail. Il y aurait juste quelqu'un qui vient de mettre un appareil dentaire et qui n'a pas l'habitude. Et que... T'as encore un morceau de viande au fond. près de la molaire là. Ouais, la grosse du fond. Bon. Fizz, c'est un nouveau réseau social qui cartonne. Ça a été lancé par deux étudiants de l'université de Stanford aux États-Unis. Et Fizz se distingue parce que c'est que des étudiants à 100% dessus. Il n'y a que des étudiants, il n'y a personne d'autre. Fizz s'appelait anciennement Buzz, si vous connaissiez déjà. C'est le nouveau réseau social qui intrigue outre-Atlantique. Ça, c'est une vraie phrase de journaliste. Elle a vu le jour fin de l'été 2021. Le concept est très simple, permettre aux étudiants de parler et partager entre eux. C'est né durant le Covid. Alors, les utilisateurs peuvent écrire, partager des photos, le tout en total anonymat. Donc c'est bien, ça c'est le genre d'application qui dégénère très vite au niveau du harcèlement. Déjà même quand c'est contrôlé. Oui, bah là il n'y a aucune identité, rien. Donc ça veut dire que Fizz dispose d'un système proche des likes et d'une messagerie interne, donc un messenger. Ils n'ont pas peur. Voilà, très original. Et Fizz, j'ai rien contre l'application, hein, vraiment. Je dois juste vous présenter ça de manière très neutre. Je l'ai vu que tu avais un petit truc contre eux. Ils ont deux particularités, la proximité et la sécurité. L'inscription se fait via une adresse mail étudiante, donc il faut que vous ayez une adresse mail de votre université, ce qui permet d'accéder à la plateforme et d'assurer son exclusivité sur les étudiants et éviter que les gens partagent du contenu offensant. C'est vrai que quand tu t'inscris avec l'adresse mail de ton université, t'as pas trop envie que Fizz contacte ton université en disant qu'est-ce qu'il a fait là, le garçon là, pourquoi est-ce qu'il harcèle la madame là. Donc tant mieux. Et quand tu changes d'université, il n'est plus possible de recréer un compte, donc il faut toujours que l'utilisateur soit inscrit à une telle université, parce qu'après il va faire partie d'un cercle, d'une communauté sur la plateforme. Donc s'il quitte son université, bah, il quitte le cercle, il quitte la communauté et il va en créer une nouvelle. Il peut faire partie d'un autre. Seulement s'il est dans une université. Ok, voilà. Ça va. Il faut qu'il soit dans notre. Ah bon, alors, il n'est pas banni, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, toutefois, ça a marché assez très compliqué parce que pour le moment, les nouveaux réseaux sociaux, il y a une concurrence évidemment très rude. En tête de liste, il y a la plateforme Biril, tu connais ? Pas du tout, je connais Viril, mais pas Biril. Bah, je me suis inscrit, vous pouvez me rejoindre sur Biril, c'est, mon compte c'est Jadoulito. Jadou l'était déjà pris. Donc Jadoulito, rejoignez-moi sur Biril, je vais vous poster ma prochaine Biril. Et en gros, c'est en fait un réseau social où tu postes que des photos, mais c'est une double photo. C'est une photo de toi avec la caméra frontale et une photo avec la caméra arrière. Donc t'as les deux vues. Ok. Sur un moment. Et le concept il y en a pas. C'est une alternative à Instagram en fait. Et voilà. Bon bref, les deux applications ont à peu près le même âge, Fizz et Biril. Et donc au final, on se donne rendez-vous dans quelques années pour voir laquelle aura marché, laquelle aura fermé. Ça se trouve les deux. Et voir si Jadoul se sera fait connaître sur Biril. Ah peut-être que c'est sur cette plateforme que je vais percer. Ah tu vas percer. Ah oui. Ah. Même bouton. Ah, toujours ça que je vais pouvoir percer. Ah, très le micro te remercie. Ah bah là. Cette séquence n'a pas été approuvée par la direction de KIF. DJ Khaled, comme promis pour votre soirée sur KIF. Tu ne me coupes pas toi. Ah c'est l'heure. Ah j'aime ce moment. C'est le moment où on retrouve Jean-Michel dans son bar. Alors Jean-Michel, rejoignez-nous, hein, venez autour de la table avec nous le temps qu'on lance notre petit jingle. 22h, c'est la trappe sur KIF. Je peux m'asseoir là ? Oui, vous pouvez vous asseoir là. Alors je vous explique le principe. Le bar de Jean-Michel, c'est un endroit où on se retrouve chaque semaine pour prendre de ses nouvelles, surveiller qu'il fait toujours la fête avec modération et qu'il nous partage ses coups de cœur et ses coups de gueule. Vous savez évidemment, vous pouvez aller en Ardennes, l'endroit où on en apprend le plus, c'est dans les bars. Eh oui. Bonjour Doul. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir mon Jean-Doul, comment tu vas? Oh ça va très bien Jean-Michel. On vient vers vous ce soir pour vous demander votre avis sur un sondage. 46% des Belges ne sont pas à l'aise avec le numérique. Qu'en pensez-vous? Bah je m'en fous moi. J'écris tout en manuscrit façon et c'est assez ennuyant car je n'arrive pas à remplir mon verre, le boire tout en l'écrivant. Du coup, bah j'ai créé un verreutre. Attendez, quoi, le verreutre? Eh oui, hein. D'un côté j'ai un verre et de l'autre un feutre pour écrire. J'ai donc nommé ça un verreutre. Bon, le problème, j'ai pas pensé au risque de tache de vin sur la feuille, hein. Bon, ah, vous buvez du vin, vous, maintenant? Bah, moi, je bois tout le temps du vin, moi, Jean-Doul. Tu me connais pas bien. C'était la bière, hein. Bah, du coup, non, pas du tout. Ça fait des gaz et puis c'est pas agréable, comme j'en avais tort, tout. Je veux pas savoir. Bref, mais désormais, donc, j'ai dû inventer le découpe-merde. Attendez, qu'est-ce que vous racontez encore? C'est quoi cette invention, le découpe-merde? Bah, c'est simple, en fait. À chaque fois que je fais une tache sur ma feuille, je me dis, et merde! Du coup, bah, je découpe tout autour de la tâche. Ah, c'est très bien, Jean-Michel. D'où la tâche merde. Ouais, merci pour vos inventions. Bon, on va revenir au sondage. 46% des Belges ne sont pas à l'aise avec le numérique. Mais m'en fous, moi! Tu n'es pas à l'aise avec la compréhension de ce que je vois! Mais enfin, Jean-Michel, c'est votre rôle dans l'émission. Vous devez commenter, réagir à l'actualité. Vous savez, c'est votre rôle. Mais mon Jadoul, Tout d'abord, tu ne m'as même pas demandé comment ça allait aujourd'hui. C'est vrai, alors on y va. Trinquons. Hop. Comment ça va aujourd'hui, Jean-Michel? Sans ton garde? Tu sais ce qu'on dit chez moi? Sans, dites-moi. Pour faire parler, faut payer sa tournée. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, ce sera sur mon compte, hein, la prochaine tournée. Vous voulez pas venir, alors comment ça va, Jean-Michel? Au final, derrière vos airs de bout en train se cache un homme sensible, j'ai l'impression. Dites-moi, Jean-Michel, qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Fais deux pas en arrière, toi, tu vas vite te calmer, hein? Bon, sauf si tu veux aussi finir sur Netflix, hein? Comme cette espèce de cannibale. Vous en dites-le? Netflix. Ok, ouais, très bien. Sur le petit truc de jeune là, qui regarde des films. Ouais. Ah, vous êtes abonné. Bien, très bien. Mais vous avez le droit d'être triste, Jean-Michel. Vous savez, vous pouvez avoir des émotions, vous aussi. Mais vous avez le droit de garder le silence, hein. Il va encore me faire boire avec ses conneries, lui. Mireille, le feu suivant, s'il te plaît. Non, Jean-Michel, il est l'heure. On va fermer, mon vieux. Mais ma belle Mireille. Oui, mon beau Jean-Michel. Tu ne peux pas me faire ça. Que vais-je faire si tu fermes de plus en plus tôt? J'ai une famille, moi, il faut que je ferme le bar. Qu'est-ce que tu veux? Mais non. Oh, sois pas ému. Allez, je te laisse le karaoké. Tu peux chanter une dernière chanson, Jean-Michel, si tu veux. Mais non, Didjou, je ne veux pas rentrer. Je suis seul à ma deuxième tournée. Je n'arrive même plus à articuler, mais je peux encore tasser. Je ne veux pas bouger. Non, toi non plus, tu veux pas fermer. Mireille, j'ai envie de te picoler. De tout siphonner, sans rien vomir. J'ai envie de me resservir. Non, c'est fermé. Bon, bah merci Jean-Michel pour votre intervention encore dans cette émission. C'est pas cool. D'ici 22h, vous voulez refaire la chanson sans bafouiller, ou ça ira? Bah écoutez, avec l'alcool, c'est très compliqué. Ouais, hein. J'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Écoutez, merci Jean-Michel, on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine prochaine, bisous, bisous. 20h-22h, c'est la trappe sur KF. Ouais, de quoi changer. On passe du Jojo et Iglesias à Vald avec Orelsan sur KF. French Montana suivra. Ah, depuis le temps que je vous l'ai promis. Eh oui, il serait temps qu'on se l'écoute. Eh oui, il arrive. Chercheur de... KF, pour terminer votre journée, commencez peut-être si vous bossez dans la nuit, c'est aussi possible. Vous avez choisi une radio qui vous joue voilà du bon son urbain. Et il y a dans ces deux heures du mercredi de guignols qui sont perdus et qui sont là avec toutes leurs conneries. Alors je vous rassure, on en a plus pour un quart d'heure. Et dans ce quart d'heure-là, on va encore avoir le blind clet. Qu'est-ce que c'est le blind clet? Tu peux nous le définir? Bah le blind clet, en fait, c'est très simple. On écoute des sons d'auditeurs. De TikTok. Et ces sons sont un petit peu faits à leur manière. Donc c'est des musiques qui existent, des musiques réelles. Des covers. Et eux, les interprètent à leur manière, voilà, c'est des reprises. Et donc, de la reprise, on doit essayer de retrouver quelle était la vraie chanson de base. Voilà, et c'est pas toujours évident. Voilà, c'est des grands moments des fois, ce de truc. Solitude. Ouais, mais bon, on a tous vos messages vocaux qui ont continué à arriver sur le 02 315 10 15. C'est le WhatsApp de la radio sur lequel vous nous laissez vos messages vocaux. Quelle est votre application indispensable? Je vois qu'il y en a un qui est l'application Note. Bah oui, l'air de rien, c'est un peu notre deuxième cerveau, c'est le téléphone. Vrai. Et l'application Note sert beaucoup. Il y en a un autre qui a dit c'est Radio Player. C'est ce qui permet d'écouter la radio, toutes les radios au final, sur votre téléphone et sur n'importe quel appareil. D'ailleurs, Radio Player, c'est pratique aussi pour nous écouter. On dirait une pub un peu déguisée. C'est ça, s'il nous écoute, tant mieux. Là, si la direction. Vous avez entendu? Pour le coup, il nous écoute parce que sinon, il n'aurait pas envoyé le message. Non, mais c'était pas le boss. Non, mais voilà. Hein, vous avez entendu, j'ai fait la pub de Radio Player. Hein. Ouais. Tous vos messages, franchement, on les a écoutés. Il y a des messages vocaux qu'on peut pas passer parce qu'on nous fait beaucoup de trolls, beaucoup de vannes. Moi, mon application indispensable, je pense que, à part les réseaux sociaux et tout ça, oui, je vous la dirai dans un instant. Mais non, je la veux maintenant. Non, je tease. Le blind qui est arrivé, et Bruxelles à l'appel. On va jouer avec votre culture générale. Ça se passe sur cahier. Vous débranchez. Oh là là, là c'est un des grands moments de cette émission. Sortez-moi la fanfare, les trompettes là. Mesdames, messieurs, 21h53, dans tout Bruxelles, il est l'heure de faire notre grand jeu, le blind clet. De 20h à 22h, c'est la trappe sur KF. Vous ne connaissez pas le Blinklet ? Oh, bah, c'est dommage. C'est simple, c'est une séquence où on prend des covers de TikTok, les pires, les plus mauvais de la Terre. D'ailleurs, c'est dur à trouver. Hein. J'espère qu'ils n'écoutent pas, parce que si jamais ils passent, s'ils passent en direct, ils vont pas trop être contents. C'est vrai. Qu'est-ce que je peux dire pour peut-être les rassurer, pour te rattraper, si jamais ils passent, non, il y a quand même du bon. Il y a du bon. Si ça passe, c'est qu'il y a du bon. Non, on peut saluer qu'ils ont le cran de le poster. C'est vrai. Le courage. Ils ont le courage de s'afficher sur les réseaux sociaux. Bon, bref. Je vais juste dire qu'après l'émission de mercredi dernier, dans un Uber, on embrasse tous les Uber qui écoutent KF et les taxis et tout le monde. Par curiosité, j'ai vu qu'il écoutait KF. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez retenu de l'émission qu'il y avait juste avant ? Ah bah, ils écoutaient des extraits de films et ils devaient retrouver de quel film ça provenait. Alors, c'est bien, il a retenu qu'il y avait un jeu. Et un auditeur, qui n'était pas un auditeur. Sauf que le candidat n'était pas un auditeur, c'était Kix qui fait partie de l'émission. Et ce ne sont pas des extraits de films, ce sont des covers, comme par exemple celle-ci. Kix, t'es prêt ? Oui, vas-y. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. Ah, c'est connu, là. À côté de sa mère et la famille autour. Oui, les copines, hein. Très tôt du soleil de la fin. Il y a Vanessa Paradis qui est venue là-haut. Ah, bah, ouais, c'est vrai, pas mal. Et qui c'est ça ? Qui chante ça ? La photo n'est pas bonne, mais l'on peut. Ça me dit rien du tout. Enfin, en tout cas, cette version-là me dit. Enfin, la mélodie me dit un truc, mais. Bon, je te l'avance un peu, la chanson. Me t'inquiète, je regarde tout bas. Ah oui, ça m'aide beaucoup, oui. Effectivement, là, je... Comme toi, c'est comme toi. Ah putain, je lui ai fait des signes durant 5 minutes. C'est comme toi de comme toi, d'ailleurs, elle s'appelle comme toi. C'est Jean-Jacques Goldman. Oui, mais moi j'écoute KIF. Hein. Oui, oui, excuse-moi. Ah, excuse-moi. C'est très juste, hein, écoute. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dort. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Vas-y. À la séquence de Jean-Michel juste avant. Ils sont, arrête, de famille, en fait, c'est ça. Dis pas ça trop fort, il pourrait se réveiller, Jean-Michel. On continue, donc tu notes les points, 0. On continue avec Cop Silver, c'est notre prochain candidat. Quand on a que l'amour à souffrir en partage. Ouais, c'est très connu. Au jour des grands voyages. C'est très très vieux par contre. Que notre grand. Non, tu regardes pas sur ton téléphone. Merde, je confisque. Quand on a que l'amour. Ça, c'est le titre, oui. Et donc. J'avais non, mais je veux dire une connerie. Vas-y, c'est même pas drôle. J'avais un Lara Fabian en tête, mais c'est quand pas ça. Quand on a que l'amour. Attends, quand on a que l'amour. Pour parler au canon. Au canon. Rien qu'une chanson. Jacques Brel. Quand on a que l'amour. Oh oui, oh la vache. Ah, c'est vieux. Ah, non, non, mais c'est même pas ça. C'est moi qui suis parti dans un délire là. Ah oui, mais toi t'étais sur une femme. Donc. C'est une belle chanson quand même. Quand on a que l'amour. Je profite parce que sur KF t'as jamais l'occasion de passer ça. Et là, ma culture générale est complètement morte. Hein. C'est quand même un monument. C'est quand même un monument. Un monument et qui a fait refléter la Belgique à travers le monde. Et jusqu'à maintenant, tout le monde est là. Ah, Jacques Brel. Bel beau plat pays. Il est belge. Le plat pays. Ah, bonne idée. En fait, vous avez compris à travers les semaines de cette émission que le principe, c'est pas de jouer, c'est juste de diffuser des vieilleries sur KIF. Voilà. Quel bonheur que c'est. Alors on continue. Voici Georgiana First. Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Ah, ça va, heureusement j'en connais un. Tu connais ? Oui. Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure ? C'est qui ? Grégory. Grégory, le Marshall. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Bravo. Mais alors, c'est une des chansons qui est la plus difficile, je pense, dans tout le registre de la chanson française à chanter. Il y a des montées, il y a des descentes. Qu'est-ce que ça donne chez Georgiana ? Jamais vu les pieds sur terre. Voilà, elle décolle là, ouais. Je suis mal dans ma peau. Et pas que. Là, c'est le plus grand moment de cette chanson. J'ai peur. Écoute bien. Oh, ça va, elle s'en est bien sortie. Bravo Georgiana. On a eu plus de peur que de mal. Ce qui nous fait un point. T'as vu ça ? Oh là là. Ça rigole plus, hein. qu'est-ce que ce sera quand on sera plusieurs dans cette équipe. là, tu peux que gagner. Mais j'espère. Bon. Ouais, bah de toute façon, il y a personne qui joue contre toi. C'est si vrai. Avec les auditeurs dans leur voiture. C'est vrai. Et 21h, non, mais je suis sûr ils gagnent. Ils sont plus forts que moi. Ça, c'est sûr, certain. 21h59. On écoute le dernier extrait. On l'a reçu dans cette émission. Hein. Ouais. C'est bien, il est pas près du tout du micro. Non. Il fait ça dans sa chambre. Bon, tu l'as évidemment, on va pas faire de suspense. Hein. Ça dit, on fait l'émission comme ça nous aussi. C'était Renaud. Non, mais il y a un problème dans ces micros, faut qu'on en parle. Dès qu'on s'éloigne de 3 cm, on ne nous entend plus. Ah, je peux te faire le test en direct. Hein. Vas-y. Je se parle à côté du micro. Ah oui, effectivement, donc... on l'entend pas, oui. On peut faire une conversation comme ça, peut-être. Ah ouais, c'est horrible. Ouais, oui. Là, ça va faire plaisir à notre technicien. Je te rappelle que la personne qui gère la technique ici est le boss. Toutes les personnes qui viennent d'arriver sur KIF et qui entendent ça, ils disent c'est quoi ça, ils ont un problème de fréquence. Non mais voilà, très bien. Toi, je pense que tu viens de te faire un ami chez KIF en disant ça. C'était évidemment qui chantait ça? Ah, Renaud. Je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Et à reprise, ça donne. Je t'aime parce que en vrai, ça va encore. Bah, franchement, juste Renaud sous sa douche. Tu me fais écouter ça sans que je sache que c'est pas Renaud, pour moi, je prends. Hein. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ça bon, change okay. De mon imitation. C'est sûr. C'est pas le même délire. Ah là là, on a encore passé une très bonne émission, nous. Comme d'hab. On a encore passé une très bonne émission. Et vous savez quoi? On va remettre ça dès la semaine prochaine. Ça, c'est la bonne nouvelle. La trappe, ça revient 20h-22h, même endroit, même lieu. On vous laisse avec KIF Classics. Avant ça, on va quand même vous rappeler qu'on a un super bon concours pour vous. C'est deux invitations à tu me tues. Ouais, mais j'avais perdu ma feuille. Mais donc du coup, c'est... Il y a perdre sa feuille et faire... J'ai adoré cette tête. Et j'ai failli tomber en plus. Mais alors, heureusement déjà, qu'il n'y a pas encore les caméras. Passé, ouais. Heureusement qu'elles ne fonctionnent pas les caméras parce que vous auriez vu ça, franchement, ça valait la peine. Je ne suis pas encore rentré chez moi, donc imagine-toi, je me casse une jambe maintenant. Ah oui, puis il y a le train à prendre. Voilà. Rapidement, Perry Daiza. Donc du coup, c'est pour Perry Daiza, donc c'est à partir du 15 octobre. Vous pouvez participer, bien sûr, en envoyant PARC, donc P-A-R-C, par SMS au 60-07. Et tout ça pour voir quoi? Pour voir des décorations, des animations, spectacles de feu, des mappings. Et des centaines d'artistes, des personnages monstrueux. Toutes les informations et les horaires sont à retrouver sur peridesa.eu. Tu y seras, toi, non? Bah oui, j'espère. On a mis créature monstrueuse. J'espère que. Ah, mince, là j'ai vraiment cru qu'on m'avait invité. Là j'étais tout content. Non. Et mince. Je pense qu'on a des invitations à donner aux animateurs, nous. Sincèrement. Mais franchement, les auditeurs, ce sont quand même des chanceux. Hein. Oui, parce que c'est des petits privilégiés. Ben. Oh là là. Franchement, là je me dis, j'aurais bien voulu être à leur place. Je crois que je vais même jouer d'ailleurs. tu peux pas. Je te rappelle que t'as un truc à signer avant de partir. C'est vrai. C'est une petite convention. Top, c'est pas un C4. Oh, on en est pas loin. Mais que. Mais enfin. Non, ça s'est très bien passé cette émission-ci. Ça va. Ça va. Allez, on remet tout ça la semaine prochaine, évidemment. C'était la trappe. Si vous voulez nous retrouver en podcast, c'est pas possible. Donc, on va essayer de négocier pour que ce soit possible dans les prochaines semaines. Je te souhaite une excellente fin de semaine, Kix. Bah, merci bien, apparemment. Et on se retrouve très bientôt sur KIF, c'est-à-dire mercredi prochain. La trappe revient mercredi prochain. Vous faites ça en moins, les gars. Moi, c'est la fin de mon intérim ici. Hein.